Bonjour tout le monde et bienvenue à Jason Jeu. On n'a pas de manette. Non, on n'a pas de manette. Qu'est-ce qui se passe? Non, à Jason Jeu, on répond aux questions que toi à la maison, tu oui, nous toi. Poses. On n'a pas peur d'aucun sujet. Rien n'est trop controversé. On n'a pas peur de dire les vraies affaires. Ouais. Et aujourd'hui, on répond à une question qui nous vient de notre ami Jean Gravel. Qu'est-ce qu'il nous veut, Jean? On va regarder sur la patente. Quel est notre thème sonore préféré et qu'aimez-vous de particulier dans une composition pour le jeu vidéo? Pas facile ça, mon Jean? Vraiment pas facile. Peux-tu dire que j'ai pas dormi beaucoup? Sérieusement, c'est tellement plus difficile que ce qu'on pense. C'est agonisant, il y a une quantité phénoménale de musique excellente à travers tous les genres, que ça soit au Japon, en Amérique du Nord. Il y a tellement de choses de qualité qui se font. Je sais pas pour toi, mais moi j'ai agonisé sur mon choix de pendant toute la semaine. Là. Moi là, il y a 5 minutes, je pensais à switcher patente. Oui, c'est. C'était rough. J'étais pas jusqu'à moi, là, jusqu'à 10 minutes, je savais pas dans quel sens j'y donnerais. Mais on a fait du travail d'introspection. Ouais. On s'est questionné, on en est venu à faire chacun notre top 5 de nos tunes de jeux préférées. Et là, je pense que c'est très important de le préciser. C'est mes préférés à moi. Et mes préférés à moi. Pas les préférés à toi, non, à la maison. Sûrement pas. Ben, peut-être. Peut-être que t'as du goût comme nous. Ben oui. Mais surtout, ça veut pas dire qu'on considère que c'est les meilleurs. Mais c'est très certainement celle qu'on préfère. Ouais. Et ça veut pas dire que c'est les plus techniquement avancés, que c'est les plus épiques. Puis encore là, ça serait difficile. On regardera peut-être ça pour une autre vidéo, mais je pense que c'est impossible de faire un consensus sur exactement c'est lesquels les 5 meilleurs tunes ever. Faudrait penser à ça, par exemple, à un moment donné. Ça pourrait être le fun à faire. Peut-être. Peut-être, mais là, je pense que pour peut-être dans longtemps, parce que moi, ça va me prendre du temps à me remettre à ça. Oui. Donc, sans plus tarder, débutons. C'est pas drôle. Ton numéro 5. C'est pas drôle. Moi, tu vas voir, toi, à la maison. Je sais pas pourquoi je t'appelle toujours comme ça, mais qu'est-ce que tu veux? C'est ton petit nom, hein? J'ai un top 5 très, très varié. Genre, ça comme pas de sens. Fait que je débute. Ma cinquième position, c'est la chanson « Passion ». Japonaise, version nord-américaine s'appellerait Sanctuary, qui a été composée par, et là je prends ma voix japonaise, Udata Hikaru! Est-ce que c'était composé par elle ou elle fait juste la chanter? Écoute, je peux pas te dire, j'ai malheureusement pas cette information-là, mais j'ai écrit compositrice dans mes notes, donc c'est effectivement peut-être le cas. Possible. C'était pour la chanson thème d'ouverture du jeu Kingdom Hearts 2. Fait intéressant, Udata Hikaru, elle est américaine d'origine, non pas japonaise, et elle fait les voix pour la version japonaise et nord-américaine aussi. Vraiment cool. Moi, je suis un amateur de J-pop dans la vie. J'adore ça pour une raison obscure, parce que je trouve que c'est très up la vie. En général. Ouais. Puis, quand tu écoutes cette chanson-là, ça te donne automatiquement le goût de jouer. Tu as l'impression que tu vas embarquer dans quelque chose de très, très, très. Je sais pas comment dire. Très prenant, possiblement à cause des taiko, les tambours japonais. Puis, en tout cas, cinquième position. C'est quand même solide. Ouais. Mais je sais que t'en vas ailleurs, Steph. Oui, je m'en vais totalement ailleurs. Amène-moi ailleurs. On va rester avec un compositeur japonais, un grand nommé Koji Kondo. Koji! C'est pas bon. Pas grave. Ouais, ça serait l'autre bord. Koji! Koji. Et, yo, man. Il y aurait tellement... Il y a énormément de choix, évidemment, avec toutes sa participation au Mario et aux Zelda. Ma tune préférée, par contre, ben, ma cinquième tune préférée et ma préférée de tout l'univers et l'univers Zelda, et c'est la Song of Storms, ou aussi nommée The Windmill Hut dans Ocarina of Time, et qui est tellement une tune incroyable, premièrement juste parce que juste quand tu l'obtiens, c'est par un... Dans Ocarina of Time, c'est par littéralement en causant un paradoxe temporel. Parce que tu l'apprends de quelqu'un qui est écœuré de l'entendre des années plus tard, parce que quelqu'un a ruiné son moulin en faisant jouer cette toune-là. Et il te l'apprend, et quand tu la joues dans le passé, à lui, c'est comme ça que lui, il l'apprend. Puis, oh my god, mind blown! Assez solide. Si t'as pas joué à Ocarina of Time, on est désolé, mais faudrait que tu t'y mettes. Fait qu'on s'excuse pour le spoiler possible. Ben, mais il est temps que tu y joues. Ben là, je pense que rendu là, il y a plus trop de spoilers. Mais c'est une toune que je trouve qui est entraînante, qui a vraiment une belle mélodie. Quoique, on aurait pu aller avec vraiment plein de choses de Ocarina of Time, qui est probablement une des meilleures soundtracks de tous les Zelda. Opinion controversée. Oh my god! On n'a peur de rien. Mais il y a du bon stock dans les Zelda, par exemple. Énormément. Mais ça reste ma toune de Zelda préférée. Mais continuons. Numéro 4. Restons encore dans le japonais. Pourquoi pas? Dancing Mad. Chanson Final Boss pour Final Fantasy VI. Au Japon, 3 ici. Oui. Composé par le grand, je reprends ma voix japonaise. Ça va être tough. Nobuo Uematsu. Uematsu. Whatever. Bref, je t'admire pareil où que tu es. Donc, compositeur japonais qui a composé les chansons de Final Fantasy 1 à Final Fantasy 11, qui a aussi composé les chansons pour Blue Dragon et Lost Odyssey, deux JRPG sur Xbox. Lost Odyssey, je le savais, l'autre, je le savais pas. Ouais, et il a composé le thème principal de Super Smash Bros. Brawl. Hein, tu savais pas ça à la maison? Moi non plus. Wow! Boom. On en apprend de tous les... Oui, tout à fait. Et c'est vraiment une chanson extraordinaire parce que ça mélange plusieurs genres. Plus le boss fight avance, plus la musique devient justement dramatique parce qu'on se rapproche de Kafka. D'ailleurs, cette chanson-là est digne de ce personnage-là qui est un des meilleurs vilains, possiblement. Je dirais... dans l'univers de Final Fantasy, ouais. Ouais. En tout cas, opinion controversée. Et finalement... C'est clairement une des meilleures boss fight music. Tout à fait. De Final Fantasy. Et je t'invite à écouter la version remix du groupe The Black Mages, qui est un groupe... Black Mages, c'est pas le groupe de Nobuo Uematsu? Ouais, exactement. Parce qu'il est hot de même, il a son band où est-ce qu'il joue sa propre musique. Exactement, donc il fait des remixes un peu plus rock de ses grands succès. Donc je t'invite fortement à aller jeter un œil là-dessus. Fouille sur YouTube, tu vas trouver quelque chose. Puis c'est ça, Steph, ton numéro 4 de cossé. On reste... On va un petit peu dans la même époque que toi, en okay. fait. Un petit peu plus loin, tu étais sur la SNES. J'étais sur la SNES. Eh bien, moi, je vais remonter au passé, dans la NES. Allons sur la... Et on y va avec... Allons à 8 bits. Oui, oui, go, on retourne vers le passé. Oui. Oui, et vers le 8 bits, j'ai une excellente série 8 bits qui a vraiment marqué l'époque de la NES. Je crois que c'est Castlevania qui a frustré bon nombre de gens avec sa difficulté légendaire. Exactement, surtout celui sur DS. Particulièrement difficile. Et comment choisir une toune dans tout l'univers de Castlevania? Il y a tellement beaucoup de tounes, mais qui sont plus épiques les unes que les autres. Mais je crois que la plus épique, à mon avis, c'est Bloody Tears qui vient de Castlevania 2, Simon's Quest. Ouais. C'est tellement une toune qui est épique, c'est un loop qui est pas très compliqué, vraiment. Puis en même temps, qui va vraiment jouer dans tout ce que la NES était capable de faire au niveau du son, même aller chercher un petit peu plus de la machine qui semblait être possible pour faire vraiment une mélodie entraînante, quelque chose qui donne un background vraiment épique à la situation que tu étais vraiment en mission pour aller te battre contre Dracula. Puis pourtant, c'est pas si compliqué que ça, mais ça marche tellement, puis ça utilise tellement bien tout ce que la NES était capable de faire, et je trouve que c'est probablement une des choses au niveau musical qui s'est faite le mieux en 8 bits. Je suis bien d'accord avec ça. Poursuivons. Numéro 3. On s'en va sur la. En fait, on s'en va sur la PlayStation 2 et la Xbox. Sur Hyper Street Fighter 2. J'ai bien dit Hyper Street Fighter 2. J'ai mis Guile's Theme. Donc le thème de Guile, ce grand mercenaire américain avec des cheveux un peu bizarres. Quelle loupette! L'ordinaire. Oui, tout à fait. Composé par Yoko Shimomura. Un compositeur japonais qui a composé les chansons pour Kingdom Hearts, Legend of Mana, Super Mario RPG. Oui. Et Final Fantasy XV. Oui, moi je te mets des. Cheveux qui sont pas encore sortis. Hein? D'ailleurs, j'ai adoré. Il y a une série de memes sur Internet qui s'est propagée. Ça s'appelle Guy's Team Goes With Everything. Où il y a des scènes qui sont banales sur lesquelles tu rajoutes cette chanson-là pour te dire à quel point elle peut aller à n'importe quelle situation. Savoureux, il y en a des très très bonnes. C'est une musique qui est super entraînante. Écoute, tu peux écouter ça en faisant ton workout littéralement ou en faisant ton dimanche, ton ménage le dimanche matin. Ça y va au toast à la balayeuse. Je tiens à rendre hommage aussi à la version de Smooth McGroove qui était particulièrement hilarante. Donc c'est pas mal tout ce que j'avais à dire là-dessus. C'était ton numéro 3. Mon numéro 3, on reste sur la PlayStation 1. Oui. Ah non, moi je retourne en arrière légèrement. Ok. Et je vais y aller avec On the Banks of a Dream, Dream World, qui vient de Chrono Cross. Chrono Cross, on va se dire les vraies affaires. Disons. Est-ce que Chrono Cross est un jeu parfait? Non. Est-ce que c'est un digne successeur de Chrono Trigger? Pas du tout. Non, aucunement. Est-ce que c'est un quand même pas pire bon jeu, tu sais, de lui-même tout seul? Oui! Solide! Et est-ce qu'il y a une des meilleures soundtracks de tous les temps? Oui! Tout à fait. Tellement! Mais la toune que je veux, il y a encore là, c'est encore un œuvre qui vient de Yasunori Mitsuda, un autre très grand compositeur japonais. Nos top 5 sont éveillés en japonais. Un petit peu, mais je vais te casser ça vers la fin, moi. Oh, moi aussi! Spoiler! Mais bref, on pourra revenir à Chrono Cross. La toune que j'ai choisie, c'est pas Radical Dreamers, ce n'est pas la toune du début, il y a tellement de choix. C'est la musique qui joue lorsque on est sur le Overworld dans le deuxième monde. Et c'est une musique qui est tellement douce et entraînante et apaisante. Les violons, même. Oui, qui est tout en douceur, avec des violons un peu mélodramatiques, peut-être mélodramatiques un peu. Peut-être, mais on n'est pas des experts. En même temps, on n'est pas des experts. Mais moi, je me rappelle de ce moment-là parce que la première fois que je me suis retrouvée dans cet autre monde-là et que la musique a embarqué, j'ai déposé mon contrôleur. Je me suis juste rassise en arrière et j'ai écouté la musique. J'ai observé la world map, chose que j'avais pas vraiment faite. Sont-tu beaux les tableaux dans Chrono Cross? Et je me suis dit, c'est ce monde-là, c'est comme une peinture impressionnée. J'avais l'impression, cette musique-là m'a fait arrêter, m'a fait me reculer et m'a fait encore plus apprécier l'univers dans lequel j'étais. Et c'est pour ça que c'est ma numéro 3 dans mon top 5. C'est, hein? Oh là, ça commence! Là, ça part bien sérieux. Numéro 2. Numéro 2, on retourne avec notre ami Nobuo. Encore une fois, ça suffit maintenant. Tuzanken, Final 10. Je dois avouer que c'est aussi mon numéro 2. Non, mais était quelque chose. Celle-là était quelque chose. C'est une toune parfaite. Oui, tout à fait. Écoute, j'ai pas grand-chose à dire parce que la simplicité de la chanson parle pour moi. C'est une toune dans laquelle il y a juste du piano. Je pense qu'il y a juste un peu de violon à la fin, un petit peu. Non, pas vraiment. Non, hein? Puis... Je la remarque pas, sinon. Moi, c'est ça. Puis, c'est une chanson où t'es pas capable vraiment de saisir le sentiment qu'il faut que t'éprouves. Est-ce que c'est de la tristesse, de l'espoir? C'est impossible à dire. C'est... Ouais. Et en même temps, le sentiment que ça soit de la tristesse ou de l'espoir est tellement fort et soutenu dans cette chanson-là que peu importe si t'es pas sûr exactement ce que t'es censé le ressentir, tu le ressens vraiment fort. Ouais. Surtout que t'entends la tune à deux reprises, je pense, dans la séance d'ouverture et après ça, au moment où tu reprends quand Tidus te fait l'histoire, là, puis t'as deux perceptions aussi de cette chanson-là, ces deux moments-là. C'est parfait. Qui sont juste parfaits et qui collent tellement bien avec l'esprit profondément doux amer qui est ouais. Final 10. Et avec son histoire complexe. Oui. Oh! Tellement. Spoiler. Oui, tout à fait. Et là. On est-tu prêt? C'est le grand moment. Je le crois. Vas-y, Steph, moi je peux pas endosser, je peux pas endurer ça. Là. Ok, pas, d'accord. Faut que je le sache. Ma toune préférée de musique de jeux vidéo me vient de Morrowind. Oh! Qui est en fait, oui, Morrowind, le Elder Scrolls 3. Et la toune, le thème de Morrowind est, à mon avis, la meilleure interprétation du thème des Elder Scrolls, qui revient toujours un peu la même d'un jeu à l'autre, mais avec des différences. Et moi, Morrowind, c'est le premier Elder Scrolls que j'ai joué. Okay. Et il reste le Elder Scrolls contre lequel je mesure tous les autres. C'est une grave erreur à la maison. Ne fais pas ça. Ça veut pas dire que je peux pas apprécier les autres. J'ai beaucoup joué avec Oblivion, même si, je l'ai pas autant adoré que Morrowind. Oui. Mais Morrowind, c'est tellement une toune encore là qui je remarque vraiment quelque chose qui revient souvent dans mes chansons préférées, que ce soit On the Banks of an Underworld, To Zamorkand, ce sont et Morrowind sont toutes des tounes qui me font m'arrêter, reculer, juste écouter la chanson, que j'arrête de jouer, qui vraiment, c'est rarement les grosses affaires épiques, juste quelque chose qui va soutenir l'univers, qui va me faire sentir que je fais vraiment partie de quelque chose. Puis le meilleur exemple que je peux avoir de ça, c'est dans Skyrim. Oui, je sais, je te surprends. Allons-y. Oui, dans Skyrim, il y a l'expansion Dragonborn. Et moi, évidemment, voilà. En tant que fan d'Elder Scrolls, j'ai évidemment acheté l'expansion Dragonborn, dans lequel on retourne à la contrée de Vardenfell, qui est le lieu où se passe l'action de Morrowind. Oui. Et à l'instant que je suis dans le jeu, retournée à ce village-là, pas la même chose. Le décor, les grandes expansions de montagnes de cendres avec les tempêtes de cendres, l'architecture totalement différente qu'il y a à Vardenfell. Puis la toune a commencé. Et à ce moment-là, la toune de Morrowind, vraiment à la façon Morrowind. Et à ce moment-là, quand j'ai entendu la chanson, je me sentais chier. Eh bien. Et c'était ma number one. Bon. Quelle est ta number one? Allons-y, dis-moi, écoute. Dis-moi, c'est quoi ta toune? Je te dis c'est quoi ma toune, mais on n'est pas à Radio-Canada ici. Donc je te dis c'est quoi mon numéro un. C'est une... écoute, on lâche le japonais un petit peu. Oui. Hein? T'as-tu remarqué? Mais on s'en va au Royaume-Uni, par exemple. Oh. Oui, on s'en va rencontrer une toune de Clint Mansell? Qui a fait l'album de Mass Effect 3. On y va avec Leaving Earth. Earth. Avec la langue, c'est le bout. Rappelle-moi, c'est quel moment dans le jeu, celle-là? C'est le Mass Effect 3 est un petit peu loin. C'est directement au début, dans le fond, quand les Reapers attaquent la Terre. Là, tu ferais ton chemin pour essayer de retourner au Normandy. Et c'est quand tu pars. Le petit garçon semble mourir dans le vaisseau. Semble mourir. Si t'as pas joué à Mass Effect 3, je m'excuse. Mais bon. C'est le début du jeu. Fait que il l'a sur YouTube. En tout cas, il y a un let's play complet. Peu importe. Donc, c'est à ce moment-ci quand tu pars du Normandy. Clint Mansell, de qui c'est ce bonhomme-là? Il a composé de la musique pour le film Requiem for a Dream. Oh, excellent ouais. film, avec Jared Leto, hein? Et Black Swan. Excellent film, avec Natalie Portman. Hein? C'est deux Aronofsky, ça. Tout à fait. Et c'est une chanson qui est encore une fois très simpliste. Il y a peu d'instruments qui rend extrêmement bien l'émotion. Je pense, à un moment donné, à un E3 particulier, là, je me rappelle plus lequel, mais au E3 qui avait ce Mass Effect-là, il avait fait cette scène-là, puis j'avais pleuré à la fin, tellement que je trouvais ça bouleversant. Ça te laisse vraiment, ça te laisse présager un peu l'épicness de la quête de Shepard qui s'en va faire, le rallier toutes les races de l'univers à son combat. C'est malade. C'est malade, fait que c'est mon numéro 1. C'est vrai que ça illustre tellement bien à quel point les... on sait que les stakes sont vraiment déjà très hautes, on le sait, mais à ce moment-là, les Reapers attaquent la Terre, puis en plus, je me rappelle bien, dans cette toune-là, on entend les sons des Reapers qui viennent comme... vraiment disrupter. Qui lâchent leur beam. Oui, qui lâchent leur beam, qui vraiment disruptent la toune qui pourrait être paisible sinon, et on sent vraiment ce... Ça fait, il y a un beau clash. Moi, ce que je remarque, c'est qu'il y a une grosse différence entre ton choix de chanson et les miennes. C'est-à-dire que toi, tes chansons, t'es choisi au niveau où tu veux, comme lâcher la manette puis contempler. Puis moi, toutes les chansons que j'ai prises, c'est des chansons, au contraire, qui sont invitantes à vouloir jouer. Tu sais, moi, quand j'entends ces chansons-là, genre, donne-moi la manette, je veux jouer tout de suite. Ouais. Ben, peut-être différent, parce que ma mention spéciale, on a des petites mentions spéciales. C'est vrai, on triche. On triche, parce que 5, c'est pas assez. Ben non, pas du tout. Et j'aimerais faire une mention spéciale à Let's Dance Boys, qui vient de Bayonetta. Bayonetta, je me sens tellement comme une mauvaise féministe quand je dis que j'aime ce jeu-là, mais... C'est un autre débat, là. On gardera ça pour un autre genre son jeu. Parce que moi, j'ai du stock à dire sur Bayonetta. Oh, tellement de stock. Hey, allez-vous à la maison, pose-nous donc des questions sur Bayonetta pour un prochain genre son jeu. On a tellement de choses à dire, t'as pas idée. Et du stock intelligent en plus, pas juste des niaises. Oui. Mais bref, Just Dance, je trouve que la soundtrack de Bayonetta est tellement bonne pour soutenir le jeu, est tellement over the top, entraînante, qui donne juste le goût de faire des flips avec tes gonner des trucs avec tes guns, tes souliers, pendant que tu licks des lollipops de manière séduisante en faisant du strip teasing avec tes cheveux. Tout à fait. C'est malade! Ouais. Vraiment. Mais par contre, à la maison, n'essaie pas d'écouter des chansons de Bayonetta tout seul, sans le jeu. J'ai essayé, c'est pas très bon. Ben, Let's Dance Boys s'écoute très bien tout seul. Ça fait la job. Moi, en tout cas, ça me donne le goût de me déhancher le popotin. Ouais. De manière suggestive. Ouais. Moi aussi, j'ai une petite mention spéciale. Quelle est ta mention spéciale? C'est la chanson The Garden dans Little Big Planet. Je sais pas. Moi, j'aime beaucoup Media Molecule parce qu'ils essayent plein d'affaires, puis ils ont intégré du chiptuning dans leur jeu, puis moi, j'adore le chiptune, mais il y a quelque chose dans cette chanson-là qui est accrocheuse, possiblement à cause de la flûte. Oui, c'est vrai! Je sais pas si c'est une flûte avec ou une flûte de pan, c'est pas clair au niveau du son, mais ça apporte quelque chose de vraiment intéressant, plus l'univers déjanté, qui est comme la surcouche par cette chanson-là. Ouais. Complètement fou. Et encore une fois... C'est vraiment charmant. C'est tout à fait charmant et encore une fois, je fais un petit shout-out à la version de Smooth McGroove qui se retrouve d'ailleurs dans le jeu de Little Big Planet 3. Vraiment cool, allez regarder ça encore une fois, le Mais Smooth McGroove. Toi, à la maison, tu devrais juste tout regarder Smooth McGroove. Ouais, vraiment. Yeah. Gars, je vais même c'est t'aider, je vais mettre le lien vers ta chaîne en bas. Mettons-le parce que c'est lui, sa barbe divine. Les gars, on va dire que c'est écrit pour les gens qui ne connaissent pas. Il fait des chansons avec ta voix. Oui, il fait des tunes a cappella. Oui, voilà. Donc, de jeux vidéo. Oui, ce qu'il fait, c'est qu'il fait le son d'un instrument, puis il va le modifier avec l'ordinateur après pour modifier les octaves. Ouais. Puis la combinaison de tout ça. Il fait d'ailleurs une très bonne version de Bloody Tears qui est dans mon top 3. Oui, dans tout mon à top fait. 5. Tout à fait. Mm. Fait qu'on t'invite à aller regarder ça. Puis en même temps, on dit au revoir. Oui, parce que je crois, on espère avoir pense que... Répondu à ta question, Jean, et à toi, à la maison aussi. Oui. Dis-nous donc dans les commentaires, c'est quoi toi tes tunes préférées? Est-ce qu'il y en a d'autres que tu trouves qu'on ne l'a pas pantoute, qu'on n'a pas de goût? Dis-nous-le. On n'a pas peur de se faire dire des bêtises et de se faire dire qu'on n'a pas raison. Tout à fait. Mais en fait, dis-nous donc ton top 5 à toi, ça serait quoi? Ça me intéresse pas mal. Ben ouais. C'est quoi ton top 5? Ouais. Tu sais, Steph, nous on est un peu fous dans la vie, hein? Oui. Hein? C'est ça qu'il fallait que tu répondes. Crazy! Voilà! Fait que moi, je lance un concours là. Hein? Là. Comme ça? À partir de maintenant. What? Ouais. Fait que toi, à la maison, si tu désires gagner une copie clé, dans le fond, une clé pour avoir le jeu Deus Ex Human Revolution sur PC, une clé Amérique du Nord seulement, par exemple, donc si tu es en Europe, malheureusement, je peux rien faire pour toi, tu nous écris à l'adresse concours. Concours, en commercial, passe-moi la manette.com. Là, je pense que je déborde ici. En fait, point com. Ça serait commencé dans l'autre sens, en fait. Oui, c'est vrai, de l'autre bord. OK. Oui. Fait que tu nous écris à l'adresse concours, en commercial, passe-moi la manette.com. Tu écris ton nom et une petite déclaration d'amour. Puis, t'as jusqu'à quand? Moi, je vais te donner jusqu'au 30 avril. Je te donne un mois. Puis, dans un mois, on va choisir là, un courriel aléatoirement. Pour déterminer le gagnant, puis on va t'envoyer ça par courriel! Oh my god! C'est donc bien fun! T'as même pas d'attente pour la poste, rien? Non! C'est direct! Wow! Puis on va mettre la vidéo du tirage sur notre page Facebook. Fait qu'on t'invite à aller jeter un œil à notre page Facebook, parce qu'on est là, puis on est gentil. Puis on va mettre la vidéo du gagnant là. My God! Ouais. Je suis toute énervée, j'ai hâte de savoir c'est qui va gagner. Je sais, mais c'est pas toi. Mais ça pourrait être toi. Oui. Ou toi. Peut-être toi. Peut-être. Non, pas non. Lui. Non? OK. OK, d'accord. All right. Et donc, je pense que c'est tout pour aujourd'hui. Ouais. Et on se voit dans un autre épisode de Chanson Jeu. Oui. Prochaine. Mais en fait, je pense que celui qui va gagner, ça va être lui, là. Ah. Juste lui. C'est vrai, il est cute. Ouais. Ou peut-être elle. Ah, ouais. Ouais, peut-être. Ouais. Peut-être. Mais qui sait? Qui sait? Ah, non, lui. Lui est. Niaise. En tout cas, on vous aime beaucoup. Merci d'avoir été avec nous. Oui. Abonnez-vous à la chaîne. Suivez-nous sur les médias sociaux. Donnez-nous du love. Un petit pouce en haut. Ouais. Et restez avec nous pour être dans un prochain épisode. Ouais. À la prochaine. Bye, là.